Chapitre 14e. Correspondance d'outre-tombe. Quand il regagna son bureau, Dutilleul fut immédiatement intrigué par une enveloppe marron qui venait de Rouen. Patricia Martineau avait pris soin de la mettre bien en évidence, signe que ce devait être important. Il se munit d'un coupe-papier et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur, il y avait trois lettres. Une tout à fait récente et deux plus anciennes, écrites sur du papier d'écolier. Dutilleul choisit de lire la plus récente en premier. Elle émanait d'une certaine Caroline Denis Girard, nom qui ne lui disait rien de prime abord. « Cher monsieur Dutilleul, pardonnez-moi de ne pas mentionner votre grade, mais je ne le connais pas. Je m'appelle Caroline Girard. Mon nom vous parlera peut-être davantage lorsque je vous aurai dit que j'étais la meilleure amie de Mathilde Pradier. Sa mère m'a dit que vous chercheriez certainement à me contacter, alors je prends les devants. » Tout d'abord, je tiens à vous remercier de ne pas laisser tomber l'enquête sur la mort de Mathilde. Mathilde était de ces personnes qui sont irremplaçables. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à elle et à ce terrible jour. Au risque de me répéter, Mathilde était une amie formidable. Elle n'était pas seulement extrêmement jolie, mais aussi extrêmement simple. Nous nous sommes connus en maternelle et nous sommes toujours restés amis. Je voulais vous écrire depuis longtemps car j'ai en ma possession deux lettres de Mathilde où elle parle des enfants plantiers. Je n'en avais pas mesuré leur importance jusqu'à ce que je les relise hier soir avant de vous les envoyer. Je les joins à ce courrier. Auparavant, il faut que je vous dise que le rêve de Mathilde était de devenir puéricultrice. Ce n'était pas une lubie, elle le voulait vraiment. Je crois qu'elle aurait facilement pu y arriver. Elle était si douce, si patiente, pas comme moi. Je vous laisse une adresse et un téléphone où me contacter au besoin. Très respectueusement, Caroline Girard. Première lettre de Mathilde Pradier. Cher Caro, finalement cette année ça a été moins difficile. Madame Giraud a tenu parole et m'a trouvé une autre famille, les Plantiers. Un garçon et une fille à garder. Je les ai rencontrés la semaine dernière. Madame Plantier n'est pas une inconnue, je l'ai déjà vue à l'auberge avec son mari. Son accueil, à la différence des enfants, a été très chaleureux. Elle m'a fait du thé et a tout de suite été d'accord pour me prendre, surtout me sachant recommandée par Madame Giraud. Elle n'a pas cherché à discuter le tarif, ce qui m'a plu. C'est une très bonne mère qui aime profondément ses enfants, cela se voit au premier coup d'œil. Pourtant, je ne l'ai pas trouvée possessive. Elle semble navrée du peu d'entrain de ses enfants à me faire bon accueil. Pour ma part, je fais semblant de rien. Comme quoi, tu vois, j'ai tenu compte de tes conseils. J'ai donc essayé de ne pas penser à ma délicieuse Tania qui s'en va si loin, de ne plus penser à ces larmes qui m'ont fait si mal. Madame Giraud m'a permis de me faire signe quand ils seront de retour, mais 3 ans, c'est si long. Enfin, j'ai donc commencé le mercredi suivant, qui était donc hier. Tu vas sans doute dire que je me fais des idées, mais ça ne va pas être facile. Loïc et Sandrine, les enfants, n'ont pas l'air d'apprécier beaucoup ma présence. Pourtant, ils n'ont fait aucune bêtise. En fait, ils sont très calmes. On pourrait facilement croire qu'ils sont des enfants modèles, si l'on ne regarde pas leur cahier, s'entend. Loïc a littéralement piqué une colère devant une simple page d'écriture. Je crains que nos rapports ne commencent pas de la meilleure des manières. Pour ma part, je l'en aurais volontiers dispensé, tant écrire rend Loïc malheureux. Mais Madame Plantier avait insisté sur ce point et, comme c'est elle seule. Quant à Sandrine, je ne sais tout bonnement pas en quoi penser, en dehors du fait qu'elle est très attachée à son frère. C'est elle qui l'a calmée. Pour l'instant, elle m'ignore, mais je pense gagner sa confiance petit à petit. Loïc, lui, sera plus dur. Comme tu me le disais si justement, tout le monde n'est pas Tania. Comment vas-tu? J'espère te voir bientôt. Seconde lettre de Mathilde Pradier. Cher Caro, j'ai gardé les enfants Plantiers pour la deuxième fois aujourd'hui et je suis au regret de te dire que ça ne va pas du tout. J'en viens même à me demander si je ne vais pas renoncer à devenir puéricultrice, malgré tout ce que cela représente pour moi. J'ai devant moi un obstacle que je n'arrive pas à surmonter. Pour la première fois, la communication est impossible. J'ai percé Sandrine à jour. C'est une petite créature sournoise auquel son frère est complètement soumis. Je les ai surpris en train de maltraiter un oiseau dans le jardin. Ils ne savaient pas que je les observais. Sandrine était la plus déterminée. Je suis resté un moment sans agir avant de m'interposer. Je les ai fait rentrer vite fait dans la maison et je les ai punis. Ils sont restés calmes durant tout le restant de l'après-midi, mais j'ai senti que je les dérangeais. Il faut que je parle à Madame Plantier. Je ne pense pas rester. Je ne suis pas là pour me bagarrer. J'ai peut-être une autre famille en vue, les Lagache. Certes, ils ont 5 enfants, et le salaire ne pourra pas être ce qu'il est ici, mais je m'en moque. Madame Lagache est très gentille, même si elle est souvent débordée. Madame Plantier est très gentille aussi, dans son genre. Elle ne m'a dit que des mots aimables, surtout pour la page d'écriture de Loïc. C'est vrai qu'au 3e essai, elle était un peu moins mal écrite, mais je sais qu'il peut beaucoup mieux faire, du moins s'il s'en donnait la peine. Décidément, c'est affreux à dire, je crois que je n'aime pas ces enfants. Que faire? Conseille-moi. J'attends ta réponse avec impatience. Une fois de plus, Monique Plantier ne dormait pas. Elle venait juste de se souvenir d'un petit incident qu'elle avait oublié jusqu'à ce jour. Une nuit, elle avait trouvé Pierre effondré en pleurs dans la cuisine. C'était peu de temps après l'accident, puisqu'il n'avait pas encore déménagé. Il semblait si désespéré. Elle avait cru qu'il s'inquiétait pour son travail et n'avait su quoi lui dire. Elle avait voulu le prendre dans ses bras pour le consoler comme autrefois, mais il l'avait repoussé. Au lieu de cela, il avait bu un grand verre d'eau et était remonté se coucher. Combien de fois plus tard, elle avait regretté de ne pas avoir poussé plus loin. Elle ne supportait pas de le voir aussi malheureux. Elle n'avait jamais eu l'opportunité de le questionner par la suite. Pourquoi repenser à tout cela aujourd'hui? Ah oui, elle savait. Elle repensait au commissaire de Paris qui était venu poser des questions. On avait exhumé les cahiers. Ça, elle l'avait su par Marion Garcin, qu'il avait appris de M. Lelièvre. De prime abord, elle n'avait pas remis M. Lelièvre. Puis, par un de ces hasards curieux de la mémoire, ça lui était revenu, le directeur de l'école. Elle avait dû le voir une fois ou deux. Ainsi, on l'avait questionné. Pourquoi pas? Il n'avait pas dû pouvoir dire grand-chose, surtout après le départ des enfants. Tout était allé si vite, bien trop vite. Dutilleul avait choisi de monter les 2 lettres à Bellegarde. Il avait besoin d'un autre éclairage. « Les 2 lettres sont intéressantes, chef, » dit Bellegarde. « Pour le moins. Il y a une chose qui me frappe dans la seconde. C'est peut-être mon imagination, surtout à la lumière des événements, mais dans la seconde, on a l'impression qu'elle a peur. Je suis assez d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ce n'est pas très clair, même si la lettre est sans ambiguïté. Il nous faut pourtant être précis. Quel doute, c'est évident. J'en viens même à me demander si je ne vais pas renoncer à devenir puéricultrice, malgré tout ce que cela représente pour moi. J'ai devant moi un obstacle que je n'arrive pas à surmonter. Décidément, c'est affreux à dire, je crois que je n'aime pas ces enfants. La peur est moins évidente à cerner, et pourtant, vous avez raison, elle est bien présente. Non seulement elle a peur, mais elle est désemparée. Il faut que je parle à Madame Plantier. Je ne pense pas rester. Je ne suis pas là pour me bagarrer. L'épisode de l'oiseau l'a traumatisée. Elle est sous le choc. Choc d'autant plus important que c'est une petite fille qui mène la danse. Sandrine était la plus déterminée. Sandrine, qui inconsciemment aurait dû prendre la place laissée vide par la petite Tania dont elle avait fait mention dans la première lettre. Plus on avance, plus cette affaire sent mauvais, chef. Si seulement on avait le rapport du pédopsychiatre, si l'on parvenait à prendre qui avait été nommé à l'époque, Bellegarde considéra Dutilleul surpris. Ce n'est pas dans le dossier? Non, curieux, n'est-ce pas? Il faudrait peut-être passer une annonce dans les journaux nationaux, peut-être que cela parlera à quelqu'un. Une certaine Dominique Vauquier répondit à l'annonce une semaine plus tard et un rendez-vous fut aussitôt arrêté. « Désirez-vous quelque chose à boire, Madame Vauquier? C'est vraiment très aimable de vous être déplacée. »« Oh, il n'y a pas de dérangement, monsieur le commissaire, depuis que mon Jean est parti. Puis c'est bon de se sentir encore utile à quelque chose. Merci en tout cas de nous avoir si rapidement répondu. Pour cela, c'était facile. Mon mari possédait un tel sens de l'ordre. Alors ressortir ses notes, ou du moins le peu qu'il en reste, ne m'a pas été difficile. Puis j'ai été sa secrétaire pendant si longtemps que ça ne s'oublie pas. Votre mari est mort il y a longtemps? Plus de 15 ans. En fait, l'affaire Plantier a été la dernière. Il était si fatigué des horreurs du monde. Ses 2 gamins n'ont rien arrangé. Il était déjà bien malade alors. C'est un miracle qu'il ait tenu 10 ans de plus. Ses enfants ont été sa dernière consultation. Après les avoir reçus, séparément puis ensemble, comme il le faisait toujours, il m'a dit qu'il fermait le cabinet. Il a détruit les notes qu'il avait prises et m'a prié de classer le dossier. 2 semaines plus tard, le cabinet était vendu. Vous n'avez pas cherché à en savoir un peu plus? Avec mon mari? On voit que vous ne le connaissiez pas. Il devenait une tombe pour tout ce qui concernait son métier. Rien ne sortait. Il était inutile de l'interroger. Avez-vous vu les enfants? Je les ai reçus, ce qui était mon rôle. Mais ce n'est pas allé plus loin. Je me souviens juste de les avoir trouvés très grands pour leur âge. En revanche, je me rappelle encore très bien de la maman. Pas très jolie avec ses lunettes à gros verres, mais une femme très comme il faut. Elle semblait si désemparée. On sentait qu'elle aimait profondément ses enfants et qu'elle était désolée pour eux. Avez-vous discuté avec elle? Bien sûr. Comment ne pas la plaindre? Elle pleurait sans cesse. Elle me faisait mal au cœur. La dernière fois, je m'en souviens très bien, elle m'a porté un joli bouquet de fleurs qui a tenu très longtemps. Croyez-moi, tout le monde ne fait pas cela, surtout en de telles circonstances. J'ai eu bien du mal à le jeter, ce bouquet. Combien de fois sont venus les enfants? 3 fois, en tout. Ensuite, ils ont déménagé. Je me demande ce qu'ils sont devenus. C'est tout de même curieux de revenir sur cette affaire après toutes ces années. Vous savez, pour nous, une affaire n'est jamais vraiment close. Si vous saviez le nombre d'éléments que l'on continue à recueillir après qu'un dossier soit fermé, vous seriez surprise. Eh bien, c'est rassurant. C'était une bien belle jeune fille. Je vous remercie encore, Madame Vauquier. Je vous souhaite un bon retour. Oh, mais je ne rentre pas. Je vais en profiter pour faire les boutiques. C'est bientôt Noël, après tout. Dutilleul avait rejoint Mado pour la soirée. Il se sentait fatigué et avait besoin de réconfort. Mado lui avait servi un excellent whisky qu'il sirotait doucement. Inutile de se demander où elle l'avait eu. Dutilleul savait que cela faisait partie des questions à ne pas poser. Tout comme lui, Mado avait ses réseaux d'amitié. N'empêche qu'il était sacrément bon et qu'il lui faisait un bien infini. Ils discutaient tranquillement sur leur projet de fin d'année. Dutilleul voulait partir se reposer quelques jours. Il avait hérité d'un chalet qui se situait dans les Ardennes. Il savait que l'endroit plaisait beaucoup à Mado, tout comme à lui d'ailleurs. Sans doute parce que l'endroit était rempli de souvenirs heureux, de balades, de fous rires, de fromages fondus. « Tu pourrais te libérer quelques jours ?» demanda Dutilleul à Mado. « Après tout, pourquoi pas ?» Le timide est dans sa famille pour les fêtes, quant au Lyonnais. Encore des problèmes avec celui-là? Rien de bien grave. Attention, Mado. Je sais quand tu ne me dis pas tout. Mado détourna la tête, mais Dutilleul ne laissa pas tomber pour autant. Il sentait Mado gêné, et comme ce n'était pas son habitude, il voulait en avoir le cœur net. Aussi, reprit-il, il s'est passé quelque chose. Il s'est fait plus menaçant, c'est ça? Mado répondit du bout des lèvres, très embarrassée. Elle détestait parler de ses clients. « C'est que il devient vraiment jaloux. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Tilleul, je ne vais pas t'embêter avec ça. Tu as déjà suffisamment à faire de ton côté, tu ne crois pas? Je dois me débrouiller, je suis grande. J'aurai toujours du temps pour toi et tu le sais. Je ne veux pas qu'on te menace, quel que soit ce que tu fasses. On part quelques jours au chalet, au moins je t'aurai avec moi. » Et je n'aurais pas à m'inquiéter. Tu t'attaches trop à moi, Tilleul. Je sais. C'est ça d'être sentimental. Du sentiment, maintenant. Prouve-moi qu'il n'y en a pas. Tu triches. Alors comme ça, on passe Noël ensemble. C'est une première. Champagne, dinde au marron? Ah non. S'il te plaît, rien d'aussi conventionnel. À minuit, on ouvre nos cadeaux comme un vieux couple. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais très bien. Oui, mais je veux que tu me le dises. Un acompte, en quelque sorte? Pourquoi pas? C'est toi que je veux. Tout toi, uniquement toi. Sacré programme. Nous essaierons de vous satisfaire, monsieur, dans la mesure de nos moyens, naturellement. Monsieur désire donc une avance? La chose est tentante, mais c'est un peu tard. On part lundi soir. Pas de Lyonnais entre-temps, c'est compris. Tu m'appelles, s'il se pointe. Quoi? Tu ne vas pas bosser lundi. Pourquoi ne pas partir vendredi soir? On gagnerait 2 jours. « Non, il faut que je fasse le point avec Bellegarde avant de partir. » Il fait la permanence. Il se dévoue, comme d'habitude. Marguerite est dans sa famille. Heureusement qu'il n'aime pas Noël, parce que sinon... Pourquoi ne pas confier la permanence à Bégin? Du Tilleul se mit à rire. Il imaginait d'ici la situation. Bégin, l'homme le plus incompétent du service. Tu as un sens très particulier de l'humour, Bégin. Non, je crois qu'il vaut mieux ne pas tenter le diable. Alors, à lundi soir, mon grand, ne te fatigue pas trop. Je veux que tu sois en forme, car j'ai décidé de particulièrement te soigner. Arrête, parce que sinon je vais vraiment exiger une avance. Chiche, démon. Pour une fois, Du Tilleul passa un week-end complet à l'appartement et la chose lui fit une sensation bizarre. Il eût certes mieux aimé être dans les bras de Mado, mais il avait du rangement à faire et il était vidé. Il avait eu un nouvel entretien avec son chef, entretien qui n'avait rien rapporté. Il n'avait pas encore évoqué la visite de Mme Boquet, ni ses doutes naissants concernant l'affaire Pradier. Pour l'instant, il n'avait vraiment pas grand-chose à offrir, mais il était sûr que le pédopsychiatre avait dû avoir un sentiment sur l'affaire. Avait-il des doutes concernant les enfants? Pourquoi avait-il détruit ses notes? Qu'est-ce qu'il avait alerté? Pourtant, il n'avait pas eu le cahier en main, alors. 3 entretiens, c'est bien court pour se faire une idée. Du Tilleul était sûr pourtant qu'il s'était passé quelque chose. La fermeture du cabinet lui semblait trop subite. C'est comme si Vauquier avait soudain rendu son tablier, comme si un point de non-retour avait été atteint. Puis ce déménagement s'y précipitait, comme pour soustraire les enfants. Du Tilleul se demandait qui avait bien pu donner son aval. Lui ne l'aurait jamais fait, surtout si peu de temps après les faits. Morand avait raison sur toute la ligne. On était allé beaucoup trop vite. On n'avait fait qu'effleurer l'affaire. Du Tilleul avait maintenant tout son temps pour creuser. Quant aux autres affaires, il devait bien s'avouer qu'il n'y avait rien ou pas grand-chose. Le meurtre de la vieille dame l'ennuyait, tout comme l'histoire du blouson. Heureusement, toujours grâce à Girardin, il était tout de même parvenu à apprendre quelques petites choses. Certes, guère significatives en soi, mais tout de même. Agathe Grimbert avait des habitudes très régulières, ce qui avait dû rendre les choses assez faciles. Elle avait quelques amis dans le quartier, mais autre bizarrerie, pour l'instant aucun de ses derniers invités ne s'était manifesté. Il espérait simplement qu'ils existaient bel et bien, parce que sinon... Petite famille, mari décédé depuis 3 ans, 2 fils, dont un vivant à l'étranger qui était rentré sur le champ, tous deux encore célibataires, pas de petits-enfants, au plus grand désespoir d'Agathe Grimbert qui ne rêvait visiblement que de cela. Dès qu'il avait vu les 2 fils en début de semaine, Du Tilleul les avait qualifiés de papillons. Pas vilain de leur personne. L'aîné était même franchement beau garçon, mais il préférait visiblement aller de fleur en fleur sans s'attacher. L'aîné devait avoir dans les 45 ans, le second approchait à grands pas des 40. Pourtant il faisait plus mûr que son frère. C'est lui qui vivait à l'étranger, en Asie, où il avait un bon poste. Les 2 garçons avaient de bonnes relations avec leur mère, et si le second était loin, l'aîné la voyait tous les 15 jours. Il s'était chargé de prévenir son frère, mais il n'y avait pas anguille sous roche de ce côté-là, Du Tilleul en était sûr. Tous deux semblèrent tomber des nues que leur mère ait été si sauvagement agressée. « Elle ne méritait pas cela !» ne cessait de répéter l'aîné, même s'il reconnaissait qu'en vieillissant, elle avait tendance à être de moins en moins prudente. Elle oubliait de s'enfermer, au moins la nuit, mais comme elle n'avait jamais fait de mal à personne, il n'y avait aucune raison qu'on lui en fasse. De toute façon, elle n'était pas riche et n'avait aucun objet de valeur chez elle. Tout était à la banque. Toutefois, il s'en était ouvert à son frère dans une lettre récente, lettre que, hélas, l'intéressé n'avait pas prise avec lui. À présent, ils allaient liquider la petite maison au plus vite. Ils ne la remettraient même pas en état. Ils n'en avaient pas le cœur. Ils voulaient coûte que coûte garder une belle image, si toutefois c'était possible. Naturellement, ils perdraient de l'argent, mais ce n'était pas grave.